إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث قدسي في صحيح مسلم حديث قدسي يتيح الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية لو نصرت لدي يبي أرضه الرسول صلى الله عليه وسلم يتيح الله سبحانه وتعالى يتيح يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت من فين من شوية من صاريكم كنت فيه كنت إن أنتم تريدين فتنة كنت نورمالمون فتنة ديفيزين أون دي كاتيجوري إن سي كي نابيل شهوات un désir qui a qui les contraire ou qui a l'encontre avec satisfaction à l'état, parce qu'il y a pas un certain désir qui en a en corroboration, c'est-à-dire qu'il y a trouvé pour Coran le Sunnah avec ça Shahawa. Ensuite, Shubuhat, c'est ma doutance dans l'île. Dans une époque, comment je suis écouté dans le Jum'ah, que بعد الشهوات في أدفانس في أفانسي في بعد الشبهات قد أصير نبيستيكي نبيكوز ديزيستاشون دي بعد الشهوات وأولي لأنه نحن نقول ديكري دي ديزوبيسانس كي شيطان دي سيري سابلان كابل شبهات وفاتمون بيتي سودين dans sourate sijda Allah subhanahu wa ta'ala lui dit une solution pour tous les malades. Malades, shubuha, maldoutance, qui n'a rien à voir avec imayet, qui s'en est iman, qui nous iman, qui s'en par exemple, avant disons, démocratie, par exemple, il y a une chose considérée normale, terrible, comment dire, t'es là, on est là, on est là, on est là, considérée, une chose, mais pareil, comment dire, faire oiseau, et n'a pas dire paras, car il n'a pas dire paras, saint, alors je peux penser qu'il démocratie, tu parles, mais il n'est pas comme ça du tout. Démocratie, c'est quelque chose qui attache directement avec nos iman et nos akides. Et si j'ai un alim dans le monde, un alim qui nous prend pour un alim rabbani, c'est-à-dire un alim qui peut enseigner nous ce qui rab alami voulait, pas ce qui l'autorité voulait, alors s'il prend une décision pour lui donner une fatwa dans une situation spécifique, dans un moment spécifique, d'un halal spécifique, s'il prend sa responsabilité pour lui signer le nom Allah, pour lui donner permission pour rentrer dans sa système démocratique, ça il est pour un compte de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça il y a une grande, grande responsabilité pour sortir dans une base fondamentale, pour dire basé l'Ola, pour sortir l'Ola pour lui donner une fatwa, démontrer sa base fondamentale. Considérons bien du monde, tu connais dans sa halada, tu as un droit de demander avec du monde qui est dans le Baba. C'est là qu'on pense la responsabilité là pour dire ça. Tu voulais dire mon paiement sans manger, ou donne-moi droit du même avec Kaba, je dis oh non. Mais qui base qui nous servit pour nous donner droit pour rendre un système qui appelle démocratie? Ça c'est ma doutance, que ça m'a une doutance là, tellement il est proliféré dans la société islamique dans le monde, qu'on il est considéré être affaire acquis, il dit ok, accepte, fini. Parce que c'est lui qui cause pour ça, il dit anormal. Je rappelle bien la Jum'a, quand le Bégo Salah est légalisé, pas donne permission officielle, car il y a un permis de vente de l'alcool, là, si derrière Ola, où je n'ai pas mis en l'alcool, où on casse la loi. Donc ça dangereux que nous me dit là, là, nous me dit qu'à l'époque, quand tu fites là, il n'y a plus de position du monde de Fessina. Là, nous me dit qu'il arrive à un niveau que Jum'a légalise, Dina. Nous n'avons plus de cause du monde, il y a un certain manquement, il y a l'homosexualité, il y a un certain malade de l'homosexualité, nous n'avons plus de cause légalisation de l'homosexualité. Nous n'avons plus de cause l'alcool comme une chose qui est haram, qui est une bonne faiblesse, là nous n'avons plus de cause légalisation, l'achat et vente et boire l'alcool, basé sur la loi qui appelle liberté d'action ou bien libéralisme. On ne peut pas rentrer au cause là, on peut nous faire entrer là. Il fait mon arrêt-là parce qu'il nous dit « Nasterdi ». Tous les jours, quand on écoute le football, on dit « Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasterdi ». Nous demandons à Allah qu'il سونستهدينا سحديث قدسي كدودة صحيح مسلم لها الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لبيتيك يا رب العالمين في جيل يا عبادي هم من سيهدية كلكم ضال إلا من هديت زدت موائق ويتجم دام بيديسون إلا من هديت اكسبت سلوك موام في الجزء كي فراز كي من أبري رسول صلى الله عليه وسلم جيه كي الله فين جيه فاستهدوني أهديكم ديمان موا لا تدانس موغيتزو الو انفريا با بلاس زوت لانتيليزونس دان لارمي سا اورا تي الا بلاس زوت لانتيليزونس افيك زوت ليتيا دوفون رب العالمين جل جلاله جي يا ربي اللهم اهدني في من هديت الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم طامي من دوك ليتبليا بوكو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء موسى الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط المستقيم دعاء محمد صلى الله عليه وسلم توجد في صراط المستقيم من دي بون هداية إرشادة بلسا هداية إرشادة بيجية موطن الشمال من هداية التوفيق جد لكي لزيز دان عمي رب العالمين جل جلاله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي Alors, n'oubliez pas que ma frère et ma soeur, faudrait pas se répéter sa parole, mais plus qu'on est que ça n'a pas suivi. C'est ce qu'il fait, on est plus qu'on est que ça n'a pas suivi. Et vous pouvez ne vous suivre personne, vous pouvez suivre ce qui est Allah qui sera sur le métier. Qui fait, on est plus qu'on est que ça n'a pas suivi. Qui fait, on peut dire, embrouillement, pas plus qu'on est que ça n'a pas dit ça. Vous pouvez là, vous prenez l'embrouillement, vous n'avez pas la place de la tête dans six là, vous dire, Allah, vous m'a dit qu'il fait maintenant. Et c'est la hâte de l'Hidaya, si vous méritez l'Hidaya, Allah, vous dites ça, les pieds là. Allah subhanahu wa ta'ala, les petits qui se promettent, les bouquins de sa djinn. Et sa même phrase que vous avez enseigné, sa non-musulmane. Quand on pose avec un non-musulman, première petite chose que vous avez dit, place de la tête devant ton créateur et demande une guidance. Si toi te sincères dans la demande sa guidance avec Allah, tu n'as pas pour sortir dans sa cité là, excepté qu'elle ait dit quoi. Ou si vous avez la salaire billah, ou vous avez la husbandan billah, appelle ça husbandan billah, mon ami. Qui s'adjoue la parole à la place qui est en train de faire la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie si nous méritons sa guidance là, si Allah tout sa vie qui est là, nous pas finir dans une position qui n'a pas la base là, nous finissons notre guidance, nous n'a pas plus sa guidance à retourner sans qu'il y ait une guidance qui fait parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les fait dire que Allah subhanahu فاستهدوني أهديكم ديمان مع لا غيدانس وتنزل لا غيدانس ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له لي مون سانز دين لي مون سانز دين أنتي مون كي الله فين غيدي Et il peut supplier Allah tous les jours pour mon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'Ifin enseigne Ya Mutalib al-Qulub, Thabbit qalbi ala ta'ati ala dini, wa sabbit qalbi ila ta'ati, wa thabbit qalbi ila dini. Dès qu'elle était dura. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui s'est fait demander Ya Mutalib al-Qulub, c'est lui qui dirige mon équerre. Dirige mon équerre, vient te dire. يا مصر فالقلوب سلوك في الصف لطول مالكية طول مالكية في التلوبيس لمن مصنزي سمعكم قابل إن شاء الله سفاري سرحنا وقبس برشمن وسكي رسول صلى الله عليه وسلم في الدية فاستهدوني أهديكم لمن باقي ناس تبيتون من يهديه الله سلوك الله لكي فلا نضل له Est-ce que sa guidance-là y a tassé avec certificat d'études à l'université? Ou ça avec l'inné d'un pays arabe, l'inné à côté Kaaba, l'inné à côté Madina Mounawara, comme Kaaba Rasoul sallallahu alayhi wa sallam là-bas, y a tassé avec ça? Ou bien y a tassé avec sincérité, ça dit nous là, dans votre guidance, dans votre surat al-Mustaqim, sans y mettre une barrière en pied avec le monde arabe, vous allez dire. Il ne faudrait pas. Donc, quand je dis que je parle de traduire un petit peu en arabe, je dis, vous prenez un moment, je vous souviens que vous n'avez pas vu ça. Je vous souviens tout devant l'Ombre Al-Alamin, Jalla Jalla. Vous écoutez, mais vous n'avez pas soumis accepté devant l'Ombre Al-Alamin, Jalla Jalla. Vous écoutez, on n'a pas soumis accepté. Si tu mets un djimoun dans ton mimbar, mais tu as pas qu'il y a une grâce avec un djimoun qui peut faire bid'a. Parce qu'il est plus bien qu'il consomme, j'ai dit donne ton prêt dans son nom. Si il peut n'apprendre, j'ai dit arrête de causer. Mais pourtant, djimoun, il prend sa qualité de causer là, il met ça en pratique, et aujourd'hui, communauté indivisée, une communauté qui tu peux vivre dans le Coran avec son nom, mais qui est divisée à cause d'une parole qu'un savant dit, c'est pas l'enseignement de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'on dit, oratéla, ou bien un djimoun qui peut écouter, je veux dire. Oratéla qui entoure, ou bien c'est lui qui peut écouter quand il prend sa qualité de parole là. Il y a un médecin en pratique, quand il sortit dans la zine, comment il trouve son frère, il finit classifier sa frère là, il finit mettre dans le jahannam, il finit mettre dans le carré, il finit mettre dans la cour, il finit zizri, son frère là, pour lui-même qui garde. Mais yahdihillahu fala mudilla lah. Nous pouvons dire que l'église est fondamentale, pas de frère, pas de sœur. Avant de dire tellement de désobéissance qu'il fallait dans sa société-là, nous pouvons avoir des difficultés pour cause d'un acte fondamental dans lui. Si avant de dire à ce qu'elle a fait, à ça, l'idée qui a appris à l'université qui mélange, quand garçon qui mélange, quand ça peut faire face à des haram, demain, beaucoup moins de plaisir à l'église. Parce qu'il tellement de vie normale dans la société, tellement de la réalité. La réalité, c'est ce qu'il y a dans le Coran avec Sunna. La facilité, c'est ce qu'il y a dans le Coran avec Sunna. La succès, c'est ce qu'il y a dans le Coran avec Sunna. Premier hadith que vous citez, que nous laissons à Zodia, dans Sunna, ça veut dire qu'on fait tout le monde, il y a la gavali, ou à l'Isabi. Il veut dire, vivre dans cette dunya-là, comme si un étranger, ou bien un passager. Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, veut dire, Mali wa li dunya. Quand man achete Rasoul, quand man achete Rasoul, pour mettre en pratique ta'limat sa Rasoulullah. Quand man achete Rasoul, comment man sahaba qui tu fais la guerre sur des l'oiseau. Oui, sahaba tu fais la guerre des l'oiseau Rasoul sallam. C'est mon sahaba à chaque fois qu'il dit Rasoul sallam aussi. Lui, j'ai sa mienne à wa ta'na. Quand nous commençons la guerre des l'oiseau, l'enseignement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à même le sahaba, il peut venir et venir en lire au masjid. Tu as un djimoun, tu as un djimoun dans le masjid. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui parlent. Il dit, c'est un djimoun en lire, il y a des gens qui parlent au masjid. Ce sahaba est narcissique comme il était là-bas. Parce qu'il dit, dans Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il utilise, il est narcissique. Ça, c'est façon. Ben, acheter Rasoul dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu mets en pratique, dit Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les piagres avec ce moment. Ma frère et ma soeur, nous les avons expliqué. L'amour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'amour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le mot l'amour, c'est une qualité qui a la vie induire, vie induire à l'intérieur d'insan. Il y a beaucoup de qualités qui les filtrent dans l'insan. L'amour, c'est une petite chose qui a la vie mettre à l'intérieur d'insan. Et au moment où un djimoun est plus content d'un kiken ou bien une petite chose, avec full l'amour, définitivement il peut suivre sa petite chose là, ou bien il peut suivre sa kiken. Ça a une qualité qui existe dans l'insan. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que Alhamdulillah, c'est pour ça qu'il trouve un djimoun, il fait content d'un joueur, il met l'aise sur le numéro, il colle sur la vie. L'Italie se sévère pareil comme moi. Vous pensez que ça c'est l'islam? Sauf filtre encore bon ou bien pas bon? Sauf filtre encore bon. Parce que ça, ça l'instinct, sa partie qui appelle l'amour de ce terrain, en groupe et travail pour analyser le travail. C'est moi qui dirige ça l'amour-là vers une autre petite chose à part Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il s'en amour-là, il هي رب العالمين جل جلاله اسو حبيب صلى الله عليه وعلى اله وسلم زاوي ساجي من لا يكون امبا ده سو لا في كان تنجي الله في جيا وبين كان تنجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيا يسو بري ده قران سو بري دي بلاص دو لا قران بان جادو دا بان مازيسين كي تي في كومونس افيك موسى عليه السلام une fois qu'il s'accoule l'amour, il y a qu'il n'est pas de se déquier. Une fois qu'il s'est l'amour, Allah n'est pas de se déquier. Une fois qu'ils sont d'accord qu'il nous a suivi Moussa alayhi salam, même je peux gagner menace de mort, je vais l'accepter pour qu'il iman. 5 minutes de iman, ça? 10 minutes? Combien de minutes qu'ils ont gagné iman, qu'ils ont été si fermes, qu'ils même je peux gagner menace, ça va faire l'effet de l'autre. Nous avons coupé la vie avec un musulman, Saint François là. Nous avons coupé la vie avec un musulman, Hijab Jimbab. Nous avons coupé la vie avec un musulman, Soala en Jamana. Nous avons coupé la vie avec un musulman, n'importe d'intérêt haram. Nous avons coupé la vie avec un monsieur, avec les frères Médecine Bordeaux. Ça, c'est Fassal qui n'a même zina dans sa société là. Fassal qui n'a même zina dans la société, c'est frères Médecine, mélange partout, monsieur, madame. Or, BLCF, beau frère. Ajoutez, quelle quantité? Quelque chose qui n'est pas capable d'entendre. Un madame qui n'est pas soumise, qui peut être soumise, dans l'air soumise, peut travailler à soi. Moussama. Et il combine sur la case, bien encore. En plus, il n'a pas cassé la tête, il n'a pas baigné, il dit ça aussi, il n'a pas cassé la tête. On arrive à ce niveau-là. Qui passe, c'est ce qui vient tomber dans sa commande. Local et international aussi, pareil. International, un garçon, s'il est en fond deux ou fond trois, lui prend un numéro de téléphone sur camarade et donne ça à Madjimoun qui compte l'homosexualité. D'un certain fond, il va ce camarade en place avec un Madjimoun qui compte l'homosexuel. C'est l'amour là. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala dit. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا بكنا إيمان زد لاموك والله سبحانه وتعالى لتري تري فور et dur. Parce qu'une fois que ça l'a ouvert, quand ça l'a écrit là, ça l'écoula, ça dissent, qui pour finir dans ça l'écoula, un dissent qui remplit avec l'amour, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça l'a mis là, il n'est pas pour pas faire une action, quand il a collé à la personne, il compte dans Allah subhanahu wa ta'ala. Ça l'issier là, il n'a pas pour pas faire une action, quand il a l'âne à Allah, quand il a collé à Allah là-dedans. Parce que ça l'issier là, il y a un dissent, il y a un système nerveux qui est attaché avec ça l'écrit là, quand l'amour Allah a envie de ça l'écrit. Et pareil comme ça même. Quand un musulman, derrière le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait obligatoire pour compter le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour compter en lui. Allah fait obligatoire pour compter en lui. Parce qu'une fois qu'il s'allume, il est sincère pour sa Rasoul, automatiquement ça l'école, il poursuit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas dire que nous devons faire beaucoup d'efforts dans l'apparence, n'oublier, nous l'accueillir. Nous devons travailler tous les deux. Quelle difficulté un musulman il a pour qu'il gagne un dire Allah subhanahu wa ta'ala fait dire. Ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il y mette sa action là en application, ou bien il reste loin avec sa action qui est là, ou bien sur Rasul fait dire. Dans Saint-Clair, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à son sahaba, « Kun fi dunya ka'anna kadarim, au abi li sabi, vit dans sa dunya là, comme si un étranger. » Dans sa masjidine, nous expliquons, nous faisons parler. Nous vivons dans des rassemblements, 15 enfants. Dans l'époque, je peux demander où Allah, si nous avons la case béton, aussi dans un cyclone, ou la case brasse, si nous avons la case béton, des rassemblements, nous revenons chez Allah. Nous gagnons. Ensuite, nous disons où Allah, dans ce moment, une grande civile, une grande, nous disons, c'est pas aux autres. Donne-nous trois rassemblements, nous gagnons. Quand il finit, nous montons la case pour 5 enfants. Quand il finit, nos 10 enfants qui n'ont pas connu, nous finissons sur la pierre. Nos 10 enfants qui n'ont pas connu, nous finissons sur la pierre pour nous garder tout. Quand nos enfants n'ont pas connu, ça ça, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est un dimanche, Allah a créé les riches. Il y gen la kapasite, li pa pe bizan ki li fè tansir, ki gen la manpon de souman obligasyon moun ve alèk sou rasou sallallahu alayhi wa sallam, li pa pe bizan kwa li rentre dans swa la, kwa li rentre dans swa la, li pe kote, li pe gen trakan moun zan tout suite, sa vide li pe fè swa la dan ikminan, pwos ki li vin debout de wa rabbul alamin jalla jalaluhu, rasou sallallahu alayhi wa sallam diya, idha inna Allah amarakum bis swa la, فَلَا تَلْتَفِدُوا يَمِينًا وَلَا يَسَارًا وَهِيَ وَلَا يَلْتَفِدُوا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ بِوَجْهِ عَبْدِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Qui quand on a une zone d'eau pour faire cela, quand on fait cela, n'a pas tourné à droite, n'a pas tourné à gauche, qui fait parce que Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, il vit en face avec sa moussoua, il a fait cela. Rabbul Alamin vit en face avec lui. Quand on sort de sa salade là, au bizarre, il y a des gens qui va parler et qui n'ont pas entendu rentrer parce qu'il nous fait que ça. Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, et Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, tu fais que sur l'éclairage, si tu es avec vous, ça l'éclairage là, il y a des effets physiques dans sa insane là. Ça l'éclairage là, il y a des effets physiques. L'eau, sa insane là, son qualité, son mentalité, son objectif, son réaction, quand il sort, il y a des progrès dans sa caractère. Est-ce qu'il y a ça dans le Coran? Oui, il y a ça dans le Coran. Il y a une salade. Tant qu'il y a un fachat, il y a un monde. Parce qu'il y a une salade qui est loin d'une avec moi et les autres. Ce secret, quand ce secret, parce qu'il y a une salade. Ou pécose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a une salade. Ce n'est pas un exercice qu'il nous veut faire. Dans ce salade, ce n'est pas une fardeau qu'Allah veut mettre au nom. Salade, c'est un divin pour chaque insan. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيء مالي وللدنيا إذا بيان كنت الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يسمي ذلك كنت كنت كي أقول كتسا دنيا يالي رب العالمين جل جلاله في بروبوز دي رواب تسوز في بروبوز دي بدني مفاتيح خزائن السماوات والأرض pour donner les clés de tout un trésor des cieux et de la terre. Alain, dis-moi de toi. Mofélavi, Malikan, Rasoul. Pendant que Dawud alayhi salam, il tient les rois, il tient Rasoul, il tient Nabi. Alors, Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, il fait proposer à Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. En plus, Modenta al-Khuld, sa al-Khuld, sa l'éternité de vie, qui, Shaitan, lui fit servir comme son advice. Vous voyez, Shaitan, c'est le conseil. Fais attention à l'écouter. Vous n'avez pas à l'écouter. Pour moi, pas l'écouter, comment vous ressortir. Vous n'avez même pas l'écouter, comment vous ressortir. Conseil, un conseil. D'un conseil. Fais attention, oui. Ne passe là-bas pour l'écouter. Dissoupir dans le dos, dissoupir. Conseil, tout ça va conseiller. Conseil qui chèquement finit de Adam et Salam, c'est arrivé. Tu connais qu'il fait un même emplissement de sa pierre pour te parler de la vie éternelle, dans le rôle. Allah subhanahu wa ta'ala, d'une certaine façon causée, lui casse les chaitans, lui dit Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, avant qu'il quitte sa dunya, je vous donne toi, khaz mafati, khazayn samawati wal ard, je vous propose toi les clés de tout bon trésor des cieux et de la terre. En plus, tu viens de Malik, Rasul, tu viens de Néwa et Rasul, en plus, je vous donne toi le khul, ça veut dire, à ce dit, par nous que tu vous causes dit, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que tu vous causes dit, pour vous. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيرتو ما في سوازية لقاء ربي ما في سوازية عبدا نبيا كي مغيس انسيان كي اسلام اي نبي اي ما في سوازية مغانكو مرب العالمين جل جلاله مناقاو للابي الرسول صلى الله عليه وسلم سي با من بريت سا الرسول صلى الله عليه وسلم سي با من داعي معنو سا فاك سيكو جدي يفاك سيكو جدي C'est pas mal d'aïe de Manou, ça nous fait la guerre du monde pour tension de moi intégrer, tension de travail dans la municipalité, de faire ça pêcher l'église. Ensuite, moi, on est sur l'église, hein, ensemble avec moi, ma fille. Si tu m'en l'as, nous fait la guerre au lit, tu n'as pas de faire quoi travailler.

Pour les paroles, elle n'a pas entendu sur la vie, elle n'a pas carité la visa. Vive tes soirs dans la case, dans la case, dans la case, dans la case, dans la case, bien bon, mais la désobéissance à Allah, c'est moi, pas penser qu'il va s'en plus dans lui. Non. Accepter le commandement, moi aussi, vous parlez de ma route, vous avez déjà vous savez, moi aussi, vous parlez de ma route, moi aussi, vous acceptez mon amendement, mais nous ne pas capable de faire considérer, de pousser, qui vont toujours pas. Ça fait ça sans plus dans l'île, il sans plus dans l'île, n'a pas vie pour moi. Sans plus dans l'île, il y a 50 fois de ce l'ordre. Sans plus dans l'île, il y a 10 souliers. Sans plus dans l'île, il y a la quantité de souliers qui est capable de mettre poussé. Il n'est pas capable de mettre 4 pieds, il est capable de mettre un pied, il met un pied. Oui, les jeunes, les propres, ça ne t'a fait qu'il n'y a pas de jamais. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, tellement du monde fait exagération. Dans acquérir tout ce dans le monde, nous savons qu'il n'y a pas de jamais. Oui, oui, oui, ça veut dire Allah est joli et est content à la beauté. Et là, qui nous fait, nous, nous, nous, c'était 10 souliers, là. Qui relation n'a qu'il n'y a pas de jamais, oui, oui, oui, après, du monde, il y a ces 10 souliers. Pour y a ces 10 souliers, là, il nous a fait ce tifi et que ce madame sortit en public pour travailler. Quand dans la vie, tout le monde a voir la hadith de Sahih Bukhari, quand tu es là, alors, sous son Coran, les filles de l'assist, guetter, haram, guetter. Il dit, on peut se plier. À ce qu'on peut travailler, comme on est tantôt ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulli al-mu'minina yaghudduna min absarihim. Dieu va en croyant, baisse notre rigueur. Ça veut dire, on fait encore quand on travaille ensemble, et puis dans l'eau, et petit villa. Un jour, on a la tête de se baisser. Premier jour, oui. Premier jour, oui. Une semaine, oui. Deuxième semaine, nous, on peut dîner ensemble. Troisième semaine, quoi quitter la case pour une heure. Cinquième semaine, son Michel l'a guéri le travail ou une vie consolée. Sixième semaine, il commence à constater que vous épaules. Huitième semaine, Zina. Il y a qui me fait causer là. On dit, mais raconte film ça. On dit, raconte film ça. Parce qui Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Comment nous fait expliquer dans le khutbah, les films donnent une sharia qui est en corroboration avec le fitrat, avec le fitrat. Allah va finir donner la loi comme si dirait communiste, ou vous avez fait ça, ou vous avez même coulé à l'aise. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur va les films créer ça, insana. Les donne sur la force et sur la faiblesse, les films mettent une sharia, les films mettent un objectif avant tout, et pour réaliser ça, l'objectif. Les films mettent un chemin, les films mettent un chemin qui est en corroboration, qui m'a fait, il a approprié avec sa insana afin qu'il réalise sa raison qui a la fin de la terre. Bon, quand je m'en fais, je suis arrêté de la chaîne, je dis, ah, pour sortir l'Arabie, ça. Mais bien, il n'y a rien à faire avec l'Arabie, il n'y a rien à faire avec l'Arabie. Et du monde sorti là, il vient travailler d'accord avec moi. Il dit, moi, je représente l'islam. Je dis, c'est toi ça. Je dis, tu vois, je représente l'islam. L'islam, c'est formel avec sunnah, comment ça va vivre. N'importe qui ça va vivre, ok. Ce qui va vivre, n'importe qui était, qui va vivre. Nous ne disons pas d'assez avec un pays, ni Maulana, ni groupe, ni mazhab. Nous disons, c'est dit Allah subhanahu wa ta'ala. L'aïduha kanaha liha, pas de tarak de kum al bayda. Rasul Sassam, il y a une fin qui te zut. L'aurait quelque chose qui est clair, wadih, propre, facile, comme si dirait les ciels bleus clair dans la journée, l'aïlou hakana harika. Ça veut dire Allah bien oui fait nous comprendre à travers sa parole de Rasoul sallam. Une fois qu'il s'est dit Moula, les grandes connexions avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pour tout troubillon dans l'île. Il n'est pas pour gagner la tête fatiguée quand il se dit. Quand il se dit, il ne faudrait pas gagner la tête fatiguée. Parce qu'il dit, pas de faire, il est toujours la tête fatiguée. Dit, il dit pour libérer avec toute forme. Esclavage. Et c'est lui qui finit liberté avec toute forme d'esclavage. Il n'a pas quelque chose de stress. Il n'a pas quelque chose de la tête fatiguée. Ça dit mon la vie, les vivre avec tranquillité. Allah bénit la vie. Tatma'innul qulub. Donc ça dit mon la, les vivre avec conscience, sous conscience Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit mon la, il a tranquillité de cela vie. Même il n'a pas mangé de goût. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Une fille qu'on prend, dunya, se valide, comment elle se sent une vie dans sa dunya là, et comment société peut dégénérer de jour en jour, nous bien avoir djahiliya. Le mot djahiliya ne veut pas dire ignorance. Le mot djahiliya, c'est-à-dire qu'en insan, il peut dire ce suifat insan, il est écrit insan. Il y a dans le Coran ça? Il y a bien dire qu'il n'est plus insan, n'est plus insan. Il y a dans le Coran ça? Hein? Ou alors, quand on parle de jahannam, on peut dire que le djinn est un insan. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. رب العالمين جل جلاله يبيتيك beaucoup de monde à l'intérêt pour rendre l'enfer, il faut en dire pour rendre l'enfer. Qui fait لهم قلوب لا يفقهون بها. Je ne vais pas faire penser à l'intérêt là, je ne vais pas faire penser à l'intérêt là, je ne vais pas ولهم أعين لا يبصرون بها. Je t'ai négligé, mais sinon tu n'as pas trouvé. Azodi, dans sa léon-là, ben représentatif de Sharia, dissipent le sécularisme d'un autre pays, afin qu'il parle des pays qui mettent Sharia en même temps. Nous parlons d'un autre pays qui met Sharia pour ne pas comparer qui s'en a fait mettre Sharia là pour m'abuser. Alors nous acceptons Mars avec séculariste, comme à Sisi dans l'Égypte, ou bien comme l'opposition, la Syrienne qui reconnaît pas l'Amérique. Et un pays musulman, je n'ai pas oublié qu'un pays monté pour dire Sharia là. Non. D'ailleurs, en passant, dans nos parties là, nous trouvons beaucoup causé concernant une révolution qui finit dans un pays arabe là. Je disais que ça va une révolution là, c'est pas une révolution islamique ça. C'est seulement au cours, dans ce parcours, les villes propres ou les haines islamiques. Tu te comprends ça, frère? Zami dans la Syrie, c'est un ulama qui dit qu'ils sont sortis. Un ulama qui dit non, c'est la masse qui est sortie à cause d'un problème, façon de vivre, situation que je vais vivre. Quand nous sommes les Bachar, les filles tous les amants du monde, à ce moment-là, il m'a fait, il rentre dans sa terrain-là pour préserver 10 ans, ça m'a dit. Alors nous faisons comprendre bien, dans l'Égypte, ce n'était pas un ulama qui de l'autre sortit contre ces Moubarak, c'était la masse qui sortit au moment qu'il a masse qui on l'a même trouvé, qu'il est dans la masse qui sortit. Je trouve, je fais une spirale qui est l'occasion pour implémenter Sharia, je me suppose ça déroule. Dans Tunisie, c'est un djimoun qui n'a pris lui-même devant une place d'un gouvernement, ça fait une détourne à une révolution, c'était pas ça une révolution là. Jamais ce commencement tient une révolution islamique, mais seulement au cours, ce parcours, les vêtements coulés islamiques pour avoir une raison différente dans sa pays. Alors, on a fait et on suit. Alors, sous sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, les filles enseignent-nous quand nous allons dormir pour nous dire Bismikallahumma amutu wa ahya, parce qu'ils nous pourront dans l'état de mots qui est l'entraînement qui tous les jours Allah vient de nous par son rahma, par son pitié, afin qu'il nous comprenne qu'il nous est dans le monde. Et quand grand matin nous levez, Rasoul Sassan vient enseigner pour dire Alhamdulillah, il a dit Radda ilayya ruhi, tout grandeur pour Allah, c'est lui qui fait le retournement de ruh. Pour poser une question, mon frère et ma soeur, à ce là, nous faisons un petit exercice. Je ne permets pas, nous faisons un petit exercice. Nous demandons tout frère et bonne soeur, ferme ce pigier. Ce qu'on est qui est arrivé là, nous ne pas lever grand matin. Nous devons faire Zach. Qui peut arriver? Essayez d'imaginer quoi, c'est là. Quand grand matin, tu viens, nous ne pas lever. Ça vient là, quand tu peux décider le mot, puis je peux avoir Zach. Essayez de faire nos pigiers, mon autre, un second, moi je peux faire mon pigier. C'est imaginer pour nous finir en avoir Zach. Qui peut faire ma frère et ma soeur? réfléchir nous, grand matin, ou pas nous lever, ou ça demain grand matin, on n'a pas pour lever. Nous pas pour damasser, nous pour d'embarazar. On expliquait hier à l'Arbitre général, il finit enseignant. Qui nous peut dire si il y a un tombe de sa situation? Ça, on va expliquer en détail. Nous pouvons dire, Rabbi Rjiroun, Wallah Rjiroun, L'Ali A'amalou, Salihan Fimata, afin de nous faire mal mon marchand de notre société. Alors, mon Dieu, nous avons fait un peu de barzakh, nous sommes en train de Alors, qui nous a fait? Wassari'ou, ila maghfiratim min rabbikum, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin. Précipitez-vous à ce qui est la même. Vous demandez pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, un pardon et jannah, un largeur, sa jannah là, qui prie lorsque tout mal messier éclaté. Alors, pas besoin que vous disiez ça à la Coran là, si vous finissez dans le barzakh, vous vous dites Rabbi Rjiroun, non, on va encore dans le barzakh, servez sa opportunité de sa réexplication là aujourd'hui, et demande tawba, et retourne vers Allah, et prends une décision ferme, et connaît qu'il n'est pas une décision. Qui vous fait rapport avec Allah dans le monde, même si vous pouvez bien dire, mais pour Allah, ça même, on n'a pas pour bien dire, mais Allah vient de nous, Yaqin vient de nous, promet nous, qui dans le monde aussi, il vient de nous. Alors, ça, c'est un mental de l'Allah, Shayhan, Allah, Khayrami, c'est lui qui, à cause Allah, il quitte une petite chose, Allah pourra en passer pour lui, pour qu'il nous dise. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui a la prière pour Allah. La prière pour Allah veut dire mettre en pratique une petite chose obligatoire et quitte une petite chose qui est haram. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Il vous donne un seul sorti. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et Allah vous donne son risque, son nécessité. Quand lui-même, il n'a pas connu comme ça. C'est une décision qui nous prend de la vie. C'est une décision qui nous prend de la vie. Quand nous ne pouvons pas prendre cette décision-là, quand nous comprenons sa hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui nous invite dans sa dunya-là comme un étranger, ou bien comme un djinn qui vient reposer en bas un pied, ensuite il continue son voyage. Un djinn qui pose des choses, mais un djinn qui n'a qu'à ce qu'il vient faire. Il y a des services au cas de halal pour lui et des services pour son au moins pour l'humanité. Est-ce qu'il s'agit de la servir pour son affaire? Est-ce qu'il s'agit de la certaine question qui est recommandée dans lui? Il s'agit maintenant des services aux richesses dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, l'obéissance, ça, c'est-à-dire que ça dit maintenant qu'il peut vivre dans conscience qu'il n'a pour quitter sa dunya là et aller. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. En vérité, ce qiyama, je peux être recompensé sans faute de ce bonne action. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. C'est lui qui Allah fait épargner avec l'enfer, c'est du monde qui fait pour la victoire. Ça veut dire en fait, bien sûr. Laisse-nous mettre un silo. Depuis le commencement, nous faisons faire un certain commentaire, le commencement, khutbah, certaines bases fondamentales qui nous a révisées. Ensuite, nous finirons le nous, nous façons qui nous a dit dans sa dunya là, en relation avec sa yaqin, en relation avec sa événement, qui nous tout est un yaqin, là, qui appelle l'amour. Et nous finirons de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment il finit donner une démonstration sur Ummah, comment ils vivent dans sa dunya là avec l'objectif pour un akhir. Tout le nafs est d'arrivée de l'eau, tout le monde. Faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faz. L'amour, il n'est pas attaché avec malade, il n'est pas attaché avec l'âge, il n'est pas attaché avec accident. L'amour est une chose qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui décrète le insan et façon d'un amour multiple, Allah subhanahu wa ta'ala, lui écrit sa haine sur façon plus. Et nous ne connaissons pas qui fait l'écrire. Une expliquer le masque de Moufalini, la lignée, comment on vit mot. Comment tu en vis mot. Ingénieur s'en va à l'école dans ton 3, ton 4. Comment es-tu content pour mot. Dans le moment où il quitte son âge, il peut se faire. Il dit en vis mot, au moment où il peut faire Rosal, il peut faire Hajj, il peut faire Moura, il peut faire Jihad, il s'est béni là. Jihad, il s'est béni là, c'est vrai, dans le chemin d'Allah. On est dans le chemin d'un groupe. Ou bien, il peut faire Sista, ou bien dans la nuit. Les filles de quand je tout mes dormi, personne ne m'a trouvé. Et personne ne m'a connu. Les filles de l'oiseau tranquille, ils rentrent dans un petit coin. Il y a l'oré des mensonges. Qui vient, ils ont l'oré des mensonges parce qu'ils ouvrent. Ils n'y pas le dégoût de mensonges. C'est même Zou qui n'a pas facile. Yom Yahoum Nasu, les robes de l'Alamine, Abu Bakr, radiallahu anhu, les liens s'arrêtent pour Anna. Et il continue à pleurer jusqu'à ce qu'il tombe sans connaissance. Abu Bakr, radiallahu anhu. Qui vient parce qu'il n'a pas le début des membres de l'Alamin, c'est le Jalou. Yom Adoum la Sarahir. Ban secret qui n'est pas le guerre, ban rempli qui n'est pas le guerre, ban Hassan qui n'est pas le guerre, ban Zalouzi qui n'est pas le guerre, ban Biden Agenda qui n'est pas le guerre, ban Touan Malaji qui n'est pas le guerre, l'hypocrisie, l'amitié, tout cela pour y créer des membres de l'Alamin, c'est le Jalou. Yom Adoum la Sarahir. زوجة الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قلت لك يا فتية تمان جمون تمان قيزو بنا وبالاتية إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها كبارين سعين كبارين لاتية يومئذ تحدث أخبارها. إيكوت لاقي اللي بقى قلت لك ساق إنسان كي بان أكشن في كوميت لو سوليدو. أنت رسي في أكشن في أشن ما كوني لاقي أبو ده متيمون. نو لامي أبو ده متيمون. نو ليبي أبو ده متيمون. نو ليبو أبو ده متيمون بون دوين. كيف بفينا سبيل؟ Saban ayat Quran qui fait un pays de Quran là, appelle ça Tarhib de Quran. Il y a un ayat qui appelle ça un ayat Tarhib qui fait du monde un pays. La prière qu'on lui a dit, ensuite il y a un ayat Quran qui appelle ça Tarhib, qu'on lui fait du monde un pli beaucoup l'envie et la force pour lui faire mon achat. Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre ça un ayat Quran là. Quand il a la paix, fait nous un paix concernant Akhira, les piatan qui s'a servi sa insana avant qu'il la montre. Et il me dit avec un détail, il bien détaillé à chaque l'étape de Yom Al-Akhir. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lakinu mautakum, la ilaha illallah. Quand je trouve un du monde des mots devant eux, là qui nous veut dire, fais-y dire la ilaha illallah. Qui fait parce qu'il m'a mata, wa kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al jannah. C'est lui qui se gagne parole. Avant les quittes dunya, la ilaha illallah, les rentre dans jannah. Seulement, Rasoul Sassam dit, même s'il n'a pas fait un certain compte, il n'a pas rendu, il va rendre ce compte, c'est moi qui vous rentre dans jannah. Dans le hadith, on nous a dit Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est lui qui dit mot et lui connaît qui personne par mérite adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala les rend la jannah. Alors, on nous a dit Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. C'est lui qui dit mot et il va faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dakhala al-jannah. Qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les bébés adressent son ummah pour dire lui que c'est lui qui m'a pas fait chier. Qui fait les bébés adressent c'est lui qui m'a pas fait chier. Mais tu faisais dire son ummah, c'est lui qui m'a, il rentre à Jannah. C'est lui qui dit la ilaha illallah, il rentre à Jannah. Comme c'était, c'est lui qui connaît. Connaît là, veut dire, il comprend implication la ilaha illallah. Man ba'da wa huwa ya'lam. Annahu la ilaha illallah, c'est lui qui mort et lui connaît qui personne la ilaha illallah veut dire personne pas mérite adoration excepté Allah à cette adoration il n'a plus de son fond il n'a pas ibadat qui aïniya qui dans lui-même il y a une ibadat kuma roza hat zakat ina man ibadet ki di pas ibadet avec un l'intention de vivre l'ibadet. Par exemple, manger c'est pas une ibadet, mais au moment du monde il y a pas une intention avec ce manger. Pour dire qu'il mange halal, Allah dit mange halal, il mange pour gagner la force, pour vivre de l'obéissance à Allah, pour y travailler halal, pour y faire ibadet, ça mange là une ibadet. Et un dimoun, il atteint la perfection dans sa dunya là, au moment où il réalise la perfection entre guillemets, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire un dimoun, il arrive à un niveau très haut dans son lari dans dunya, quand il réalise à l'Al-Quran pour l'Ibn Salati, wa nusuki, wa mahiyaya, wa mati lillahi rabbil alamin. En vérité, mon salat, mon namaz, mon nusuk, veut dire soit mon hajj, ou bien mon bal qurbani qui m'a donné, ou bien mon zabat qui m'a offert. Mon lardi et mon amour existent pour Allah subhanahu wa ta'ala. La personne dit mon nom, il peut vivre, il garde ça l'objectif là devant lui et il fait travail pour qu'il réalise ça l'objectif là avant qu'il quitte sa dunya là. Ou un musulman. Attention, la mort grave seul, alors il nous est souhaité avant qu'il nous en souhaite Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Vous m'en souhaitez. Ça c'est le voir pour l'envoi sur Amen. Et une position. En fait, il va se faire une position dans sa ligne, là, pour rouler une finition. Tu peux vous faire. Famille peut pleurer parce que t'as pas fait l'ennui. Famille peut pleurer parce que t'as pas sans ennui. Parce qu'il y a l'infini de tout le monde, et pas tout le monde. Tout le monde se disait tout d'amour. Quand vous êtes d'amour, bien sûr, pas connu. Voilà, il nous a fait l'amour. L'amour coûtera pour l'heure. Essaye, réfléchis. Moi, ce que je ne sais pas, quand il est arrivé, mon besoin de réfléchir une seconde. Dès qu'il y a une position, je peux dormir comme ça, là, je dis que je suis autour de vous et je peux poser. Allah fait un autre temps, maintenant, je peux poser, je pleurer, je peux pleurer pour faire vous souffrir. Qui est la chose, il a entre nos familles, peut pleurer et nous peut souffrir. Oh, ce qui ça veut dire, sa famille-là, il n'est pas fini d'un enseignement qui s'adore sa dunya-là, ne pas fini pour rester là-dedans, puis fini pour quitter sa dunya-là. C'est un vide pour quitter. Alors il y a un grand point d'information. Quand ça dit qu'il peut pleurer pour vous, il y a un droit certain. Wa inna al-ayn la tadma, wa inna al-qalb la yahzan, wa la naqul illa bima yurdi rabbuna. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa inna al-ayn la tadma. En vérité, les yeux dorment. Wa inna al-qalb la yahzan. En vérité, les yeux sont certains. Wa la naqul illa bima yurdi rabbuna. Nous n'avons pas dit aucune parole excepté une parole qui Allah satisfait. Kuma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khayran min. Oh Allah, récompense-nous pour nous musibat qui nous fait gagner et remplacer moi qui me prie meilleur. Tout ça, nous finit dire à la opposition au pays de Omi pour adjoindre Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Dis-moi, est-ce que vous faites pareil? Ou pour faire business, on n'a pas connu ce pas pour faire profit ou bien ou pour faire l'os. Ou dans l'école, on n'a pas connu ce pas pour capable passer ou bien faire. Ou en vie à quelle coupe du monde, on n'a pas connu ce pas pour vivre pour quelle coupe du monde. Seulement, ça n'a pas 100% sûr qu'il rebond à la mine de Jalaluhu. Les filles mettent quelque chose qui appelle Kulluna Sindhaïk à tout le monde, qui se tous des nains pour goûter l'amour. Allah finit de nous expliquer hier. Wattaku, Wattaku, Yaman Turjahuna Fihi Ilallah, Péasazou. Si sa rouh là, bichène mon rouh, malaïka vous dit ayyetouha nafsut toyeba, ô bon naf, ukhruji, ila maghfiratin min rabbi, wa ridwani, souji parmi la satisfaction d'Allah et son pardon. Mais c'est quand c'est arrivé dans sa réelle là, sa rouh là, tienne rouh qui n'a façade là-dedans, tienne rouh qui n'a corruption là-dedans, tienne rouh qui n'a shirk là-dedans, tienne rouh qui n'a rempli là-dedans, un rouh qui vit mon haram en djimoun, un rouh qui dans sa rouh là vit mon haram, dans sa réelle là, malaïka. يا أيها النفس الخبيثة أو نفس خبيث أو نفس مالكو صوتي بالبيل بنيشو إلى قرية الله سبحانه وتعالى dans sa ليلة qui nous pouvait avancer dans ce est-ce qu'il pas fin arrivé bici de faire accident et n'a dit vous dans sa bista pas mon musulman pas tu pouvais dans sa ليلة et n'a dit vous dans sa ليلة pas connu si pas il fait fajr il pas il fait fajr nous demandons à Allah pour donner tout à nos musulmans nous demandons à Allah en faire les jamais et pour tous les musulmans Mais si ça allait là, il y a du monde dans sa bis là, il fait un accident, il fait mourir, il fait un travail. Soit là, il n'y a pas fait de faire. Soit là, il n'y a pas fait de faire dormir. Il n'y a pas fait de faire son adhkar au sabah. Il n'y a pas fait de demander tawba à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas fait de halal. Il n'y a pas fait de mettre son djilbab. D'ailleurs, il n'y a pas fait de faire son djilbab. Il n'y a pas fait de faire une grande question. Il n'y a pas fait de faire une grande question. Il peut vivre, considérer, mais il n'y a aucune relation avec l'akhira. Ensuite, subitement, bis il fait accident, ça dit que nous avons fait sortir dans sa bis là, dans sa lien là. Quand il peut marcher par la désobéissance à Allah, il peut rouler dans sa bis là par la désobéissance à Allah. Mais là, pour moi, il tient sur nous dans sa lien là. Qui nous positionne? Al Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit: أسرعوا بالجنازة. كان يقول في المو في البيت أبيتي كيف يا بيجي إن تكو صالحة فخير تقدمونها. سأقول بس أجمل لا لفاهمي بان جمل ما ينو نسبيك عن ديتا زو كابا كنت اسبيك عشو يينا سي أغيبي ساجمون لا لفاهمي بان جمل كي ملايقا جي أيدها النفس الطيبة كي بوهمي. Ça veut dire les frères et du bien. Alors, sur sallallahu alayhi wa sallam, dire, c'est un frère qui se permet de vivre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui peut arriver? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dire, il fait des affaires vite, parce que c'est sa nafs là, si parmi, je me la protège tout, pas nous seulement contre ça, si arrivé sa nafs là, il dit parmi, ma nafs qui m'a l'aïda, il dit, ya et tu as nafs sur khabitha, oh mauvais nafs, mauvais nam, mauvais roux. Dans sa lien là, dans son sassan dire, c'est un chat qui se dégage dans ses épaules, fait vite à l'zéfni là-bas. Ou dans sa position là, qui vous dit, ça dit mon qu'il est dans sa rahata, qui vous dit, si il dit pas oui, ma nafs, qui a l'air une demi-sassance, une demi-tempie, parce qu'il est vite fait à l'épaule, il dit que man doit avec Allah, quand dit mon tu peux dormir dans la nuit, il dit tu peux lever pour lui pleurer devant. Parce qu'il connaît qu'il est à Kabar, son Rasoul il finit en Saint-Lit, il pousse son Kabar pour faire Ifsah, son Kabar pour une grande, elle la prend Jannah pour faire pour lui, pour faire Farsh. Farsh, les gens en créole, pour avancer sur place et pour faire la porte de Jannah. Alors il écoute sa réalité là parce qu'il est titan pour parler, il finit apprendre quand il est en ligne. Le bout de réponse qu'il peut donner, quand vous dites, ma vie, ma taqoulou ala Muhammad, ma taqoulou ala l'ali bu'itha ilaykoum, qui de Dieu nous c'est lui qui vient être envoyé vers eux. Les boutiers, wa huwa Rasulullah. Mal malaïka vous demandez, comment est-ce qu'on pense à Rasulullah? Les dieux, amen tu bihi, wa saddaktu bihi, wa qara'tu kitab Allah Azza wa Jal, wa fin liya li Allah, wa fin toubet du mobizan, wa bin yali, et wa fin liya, wa fin obin yali. Est-ce qu'il vous dit yali? Les boutiers, qaddimouni, qaddimouni. De côté, je vais aller protéger sur la Moussama, c'est lui qui dit Malaïka qui prend son roux, il dit Ya et toi, Nassou Khabita, ô Mobinas, je mets son roux d'un kafan qui plie senti mauvais odeur qu'un animaux qui pourrit. En plus, je m'enveloppe la lampe en venant de Allah subhanahu wa ta'ala, ben Malaïka pas pour les sabours là, traverse les cieux. Comment y arrive pour les ciels? Fermez la porte. Sa nafs qui habite là, pas pour monter pour les ciels, déjà les ciels. Comment arrive pour les ciels? Pour ré-résister de son écho et malaïka pour lui poser des questions. Par contre, c'est lui qui rentre à l'arrivée de la Jalal, lui demande Allah subhanahu wa ta'ala, toi, sincèrement, qui lui donne tout sa main, sa sens, pour qu'il malaïka qui vient de son bourg, lui mette son kafan, lui mette son roux dans un kafan qui sortit depuis dans Jannah et un parfait qui vient sortir depuis dans Jannah. Ensuite, quand on prend sa roux là, quand on monte le premier des ciels, malaïka peut dire, qui sa nafs toyiba là, qui sa bon nafs là qui peut monter? Malaïka peut de Foulan, Ibn Foulan, il monte au deuxième échelle, troisième échelle, il arrive jusqu'à septième échelle, rapporte à la ligne de l'homme dans le malaïka et crée ce nom, enregistre ce nom dans l'île qui appelle Illidine, ensuite retourne l'île dans Kabar pour lui répondre sur ma question. المؤمن استمجير يا ويلها اين تذهبون بها هو مالي لو سنفسلا كنت بي بون سنفسلا زت بي علي اي كان لي بي دي اسا تو بان كرياتور ايكوت سا صرخا سا كريي دي سنفسلا بي كريي اكسيتي انسان الجن اكسيتي insan avec djinn tout monde des autres créatures de tan sorkha pel ça ça crier qui ça nafsa pour crier au moment retourne sa roue là pour lui répondre question alors tout monde créature pour tanza ça sont là et demande Allah subhanahu wa ta'ala doa qu'il n'y pas de nous avant qu'il aborde tout ça et pour qu'il nous rabbe l'alim jalla jalaluhu il y a un bain malakul mort mon rouh il y a un bain malakul mort qui se figuier éclairé comme un soleil et que Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu il met le roux d'un kafan qui sont éliminés en Jannah et que Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu quand pour nous pour être questionnés dans la prochaine session nous pour expliquer quelque chose dans le khabar qui pourrait être et qu'est-ce qui pourrait être dans le khabar parce que tous les jours nous pour expliquer c'est l'Iman du Yom al-Akhir tous les jours il nous explique وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ aujourd'hui nous explique un petit peu dans du online mot comment nous pour traverser. Demain, Inch'Allah, nous pouvons continuer cette explication-là. Nous pouvons expliquer la situation dans le Kabar pour toutes les qualités du monde, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala doa qui ya Rabbul Alamin. Allahumma ighfir li jami'i mawta al-muslimin. Allahumma ighfir li jami'i mawta al-muslimin. Allahumma ighfir li jami'i mawta al-muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardha al-muslimin. Allahumma ansur al-mujahideen fi kulli makanin ya Rabbul Alamin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا ونفسا الله ودعاء مستجابا اللهم إني أعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تلمع ومن نفس لا تشبع اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى